Qui nous dit que l'enseignement supramental qui place l'homme au centre de tout pour en faire son propre Dieu ne serait pas un poison vif pour l'esprit? Parce que c'est pas du luciférisme, le supramental, puis que c'est complètement faux que le supramental place l'homme au centre de tout pour en faire son propre Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce qu'au niveau des formes, il y a un petit problème d'interprétation au niveau du psychologique. Parce que l'homme en tant qu'ego n'est rien. Dans le sens que il est né, c'est la multidimensionnalité, puis le multidimensionnel met un centre là-dedans. Il y a une différence entre un terminal et un mettre au centre de tout. Il y a une interprétation psychologique liée à des vieilles mémoires, hein, ce que je vois là-dedans. Là. Parce que vous faites du supramental une possible hérésie luciférienne en me présentant ça comme ça. C'est quoi la source, ce qu'on appelle anciennement Dieu? C'est ça le centre de tout. Pas l'homme. OK? Donc... C'est ça, un soleil au-delà de notre soleil, en dehors du temps et de l'espace, qui est source de tout. Tellement intelligent qu'il peut pas... que c'est même pas de l'intelligence comme on le conçoit. Donc,